Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Bonjour tout le monde, bienvenue à Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tétrault avec vous. J'espère que vous allez bien. Donc, pas trop stressé, pas trop inquiet. Tout va aller bien. On l'espère. En tout cas, c'est pour ça qu'on travaille, pour que ça aille bien, pour que ça aille mieux. Donc, notre but, évidemment, avec cette émission-là, c'est un projet. C'est d'élaborer un plan d'action pour la création du paradis sur Terre. Donc, c'est un, comme on a dit, un objectif de civilisation. On va revenir brièvement sur la semaine, ce qu'on a dit les semaines passées. Ensuite, on va continuer avec le plan et certaines idées. Donc, on a vu le plan, de façon générale, est en trois parties. L'autorité individuelle, la première partie, donc l'affirmation, la philosophie, le principe de base de l'autorité individuelle, c'est que je suis l'autorité. Donc, c'est l'individu qui est autorité. Il n'y a qu'en fait que des individus. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'autorité collective. Donc, les individus vont devoir s'organiser pour pouvoir éventuellement décider collectivement. Et cela, ça passe obligatoirement par l'unité. Donc ensuite, une fois que ça va être fait, c'est la troisième étape, c'est la création collective. Donc il s'agira d'utiliser notre autorité collective pour créer le monde qu'on veut. C'est-à-dire, comme on l'a nommé pour l'instant, le paradis sur Terre. Et dans le fond, cette civilisation-là, ce monde-là, va venir prendre la place. Donc en faisant ça, ça va éliminer les choses inacceptables. Parce que c'est, par définition, le paradis sur Terre, c'est le monde qu'on veut, dénué des choses inacceptables. Toutes les choses inacceptables qu'on reconnaît communément comme étant inacceptables, évidemment, on les connaît. Donc, c'est toutes ces choses-là, la faim dans le monde, etc., les violences, et on va pas repasser par-dessus ça, mais on les connaît. C'est assez clair, ça. Donc, on a vu que aussi que c'est un projet unique, dans le sens que ça inclut toutes les causes et tout le monde. Et qu'on a vu aussi que les stratégies qui sont utilisées en ce moment pour créer un monde meilleur ne fonctionnent pas. C'est des stratégies qu'on pourrait appeler morcelées. Dans le fond, c'est qu'on se concentre sur une cause en particulier. Et là, ça ne fonctionne pas parce que, justement, tout est relié. On ne peut pas changer en profondeur un domaine. Et c'est souvent ça qu'on a besoin, dans le fond, des changements en profondeur. Par exemple, l'environnement, sans tenir compte, puis sans s'harmoniser avec les autres aspects de la réalité. Par exemple, l'économie, et plus particulièrement, dans ce cas-ci, la finance. Donc, il y a un documentaire qui est sorti en parlant de ce sujet-là il y a quelques années, qui s'appelait « Qui a tué la voiture électrique? » Je ne sais pas si vous l'avez vu. Personnellement, je ne l'ai pas vu tout au complet, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Donc, c'est à propos d'une voiture que GM avait commercialisée, une voiture électrique à 100%, qui avait eu une certaine popularité. Entre autres, il y avait Leonardo DiCaprio qui en avait acheté une, etc. Et ça avait créé un certain scandale dans le sens que les voitures avaient été détruites. On les avait sorties de la circulation et de la commercialisation. Et il y a un documentaire qui a été fait là-dessus. Mais la question du documentaire, c'est qui a tué la voiture et qui est-ce qui l'a tué en réalité? Ben, en fait, c'est pas GM, c'est nous qui l'avons tué. Pourquoi? Parce que en fait, la voiture, c'est le problème, c'était pas qu'elle était 100% électrique, c'est qu'elle était trop simple. Donc, elle ne coûtait pas cher à produire et elle ne brisait pas. Donc, qu'est-ce que ça l'aurait fait éventuellement? C'est que les ventes auraient baissé, les gens auraient gardé la voiture longtemps, il n'y aurait pas eu de réparation Et là, il s'ensuit toute la chaîne économique et qui aurait été affectée. Et donc, ça aurait été une perte de revenus et d'emplois, etc. Et comme, évidemment, l'industrie automobile, c'est un pilier de notre économie, mais ça aurait affecté toute l'économie. Donc, et les jobs, quoi qu'on en dise, on en a besoin parce que c'est la principale source de revenus des gens. Et donc, c'est nous qui avons voulu que ça soit conçu, cette voiture. C'est ça ma conclusion. Et pour ce qui est... C'est souvent... En fait, j'entends ça à longueur de semaine, que c'est la consommation qui nous tue, qui pollue. C'est vos iPhones, vos TV, vos chars qui ont créé tous ces problèmes-là. Mais oui, je suis d'accord, mais si on arrête de consommer, où est-ce qu'on va prendre l'argent pour payer le loyer, puis manger, etc.? On a besoin des jobs. Donc, je ne sais pas comment vous comptez régler cette problématique-là, mais moi, pour l'instant, je vois rien. Je vois pas, on va peut-être faire pousser nos légumes, marcher dans le bois, mais et faire quoi ensuite? Donc, comment est-ce que vous voyez la société si on arrête de consommer? On voit bien avec la crise actuelle, les entreprises arrêtent et les choses vont pas bien. Mais ça risque d'empirer, effectivement. Et pourtant, les écologistes, mais ceux qui proposent d'arrêter de consommer, ils parlent pas de crédit social ou de réforme du système financier. Et c'est sûr qu'il y en a qui travaillent quand même là-dessus, mais les écologistes parlent rarement ou jamais de ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que la cause environnementale, pour nommer celle-là, c'est une cause, c'est une cause, mais en soi, importante, bien sûr, mais de la stratégie qui consiste à simplement aborder les choses du point de vue environnemental, c'est une stratégie morcelée, donc qui ne fonctionne pas. C'est ça que je veux en venir. Donc, il faut qu'on aborde les choses comme étant toutes interreliées. Et évidemment, ça ne veut pas dire d'arrêter de se préoccuper de l'environnement ou de quelque autre cause. Bien au contraire, c'est important que ceux qui s'en occupent continuent, si c'est ça leur appel. Mais c'est très important d'établir la distinction entre les différentes causes et les différents projets et d'établir que le nôtre, celui de la création de la nouvelle civilisation, et de faire la distinction entre ces deux projets-là. Parce que notre projet, c'est de participer activement, consciemment et collectivement, individuellement aussi, à l'avènement du paradis sur Terre. Donc, c'est l'élaboration du plan pour atteindre cet objectif de civilisation-là. Et ce projet-là, il inclut toutes les causes. Donc, on peut pas... c'est pas une cause parmi tant d'autres, c'est la cause qui les unit tous, qui les inclut tous. Donc, évidemment, c'est pas parce que c'est... mondial ou toute l'humanité, que c'est pas au niveau local que ça va se passer. Sauf que on va approcher les choses au niveau local, mais pas dans une considération municipale, même si ça va être au niveau municipal, mais en considérant que ce qu'on fait au niveau local, ça va pas être reproduit. Donc, on va chercher des moyens de s'organiser pour s'unir et évidemment créer l'autorité au niveau local, municipal, provincial, etc. Mais toujours dans l'idée qu'on va en développant une méthodologie, une science, un savoir-faire, on va pouvoir le transférer et aussi, évidemment, travailler en collaboration, en réseau avec d'autres localités, collectivités locales partout dans le monde pour éventuellement, en s'échangeant, en voyant qu'est-ce qui fonctionne le mieux, en arriver à développer des modèles et... au niveau local, d'unités, de savoir-faire qui vont pouvoir, de méthodologies, etc., qui vont pouvoir être diffusées et être mises en pratique partout pour éventuellement appliquer ça au niveau plus grand, mais ça va toujours être avec les individus locaux qui vont être l'autorité, qui vont avoir le pouvoir. Donc, pour en venir aux stratégies que j'appelle morcelées, c'est sûr que l'environnement, c'est un gros morceau, mais aussi, je pourrais parler brièvement des conspirations. C'est un peu la même chose. C'est une cause, c'est aussi une cause importante qui est portée par certains. Sauf que ça va pas régler nos problèmes. Ça va certainement pas combattre, malheureusement, les complots. Surtout que, en fait, 60% au moins, peut-être plus, de la population ne sont pas ouverts aux conspirations. Et, Et je ne vois pas beaucoup de conversion. Au contraire, ce que je vois, c'est que tout le monde reste campé dans ses positions, dans ses perceptions. Et pour reconnaître qu'on ne s'en va nulle part en étant divisé. Donc, que ce soit un groupe ou l'autre, que ce soit ceux qui sont pas ouverts aux conspirations, qui sont les plus nombreux, ou ceux qui le sont, il n'y a pas vraiment de personnes qui changent qui passent d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de conversion, comme j'ai dit. Et je ne pourrais pas vraiment expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est pas une question d'intelligence, d'ouverture d'esprit ou d'éducation, parce qu'il y a du monde éduqué, intelligent, sensé, sensible des deux côtés. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que c'est peut-être mieux ainsi. Parce que si tout le monde était ouvert à ça, peut-être que ça occasionnerait une confrontation directe. Ça ne serait peut-être pas une bonne chose. Enfin, c'est une réflexion. Et donc, et c'est pour ça que c'est dans ce projet, on ne s'intéresse pas à une cause en particulier. Ça ne m'empêche pas de considérer à quelques sujets que ce soit, par exemple les conspirations, parce que ça fait partie des positions de certains dans la société. Mais nous avons comme base l'unité, donc on inclut tout le monde et on ne peut pas rejeter une importante partie de la société comme ça, qui croient qu'ils sont ouverts aux conspirations, mais il faut tenir en compte qu'il y en a qui ne le sont pas. Donc le but, en fond, c'est pas d'en venir à être tous pareils, mais de créer l'unité. Donc on va revenir après la pause. Je vais faire une petite pause musicale et je reviens tout de suite après avec la suite. Thank you. On est de retour. Donc, c'est pas compliqué. Notre projet, c'est le quoi et le comment. Donc, on se fixe un objectif. Ça, c'est le principe général. On se fixe un objectif. On établit un plan, une stratégie. On la met en action. On évalue les progrès. Et on fait la rétroaction. On ajuste nos stratégies en conséquence pour se réaligner vers où on veut aller. Et on continue jusqu'à ce qu'on y soit arrivé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. Et un objectif, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Et on est là, ici, à un certain point. On veut aller là-bas. Comme Yvon Deschamps a dit, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Évidemment, on s'en va nulle part. L'humanité s'en va nulle part. C'est une façon de parler. L'approche qu'on utilise avec ce projet, c'est la perspective de la création. On reconnaît que nous sommes responsables. On est créateurs. Donc, on a créé, en quelque sorte. On a fait des choix actifs, des choix inactifs qui ont produit la situation actuelle. Et pour plusieurs raisons, celle-ci, cette situation-là dans laquelle on est, cette création ne nous satisfait pas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, lorsque je dis que l'on prend la perspective de la création, c'est qu'on peut utiliser, utiliser différentes façons d'exprimer une création. Par exemple, on pourrait dire, on crée un gâteau, une relation, on crée une maison. Mais en fait, on dit, on cuisine un gâteau, ou on bâtit une relation, ou on construit une maison. Mais on peut tout remplacer ces verbes-là par créer. Donc, c'est sûr que quand je dis que nous créons, nous sommes créateurs, et nous créons la société, le monde, c'est une perspective, là, ça l'inclut, ça peut être plus complexe que ça, on peut l'exprimer, regarder les choses différemment, mais on peut le considérer comme ça aussi. Donc, c'est la perspective qu'on choisit pour ce projet-là. Donc, nous créons notre civilisation, puis en comprenant comment nous créons, et en nous appropriant les rênes des mécanismes de notre création collective, on va pouvoir arrêter de créer ce qu'on veut pas et créer ce qu'on veut. Donc, en gros, c'est ça. De retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, comment ça va se dérouler? Comment l'humanité va comprendre que la clé de base, c'est l'unité pour accéder à son pouvoir, son autorité collective et donc à être en mesure d'assumer ses responsabilités? Car rappelez-vous que nous sommes responsables, car c'est nous qui choisissons, qui avons choisi de, par nos choix, en fait, qui n'avons pas créé l'unité. Et donc, c'est nous qui sommes responsables des décisions qui sont prises et l'utilisation de notre pouvoir collectif. Donc, nous devons devenir maîtres de notre autorité collective, car si nous ne le sommes pas, comme on ne l'est pas, celle-ci est accaparée par des intérêts des sous-groupes. Et par exemple, le système financier, les banques, c'est des intérêts privés qui se sont appropriés notre système financier. Et c'est nous qui les avons laissés faire ou qui n'avons pas su les empêcher ou qui ne sommes même, dans la plupart des cas, même pas au courant le système financier qui nous appartient, l'argent, la création, c'est un système conventionnel, donc collectif, qui a été approprié par un sous-groupe d'individus, des privés, et qui évidemment se sont appropriés ça pour s'enrichir et contrôler. Donc, ça, c'est nous qui sommes responsables de ça, dans le sens que nous n'avons pas créé l'autorité par l'unité pour s'approprier notre autorité et s'occuper de nos affaires, parce que l'argent, c'est nos affaires. Et donc, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre qui l'a pris. Donc, il faut reconnaître que c'est nous qui sommes responsables de ça, parce que c'est... pas pour se culpabiliser, mais pour, évidemment, comme on dit en anglais, « empowering », se donner du pouvoir et reconnaître qu'on a le pouvoir de changer les choses et de le reprendre. Donc, l'unité, c'est sûr que c'est fondamental, mais il y a plusieurs fausses routes, il faut faire attention, des voies de contournement. Et, par exemple, je l'avais mentionné, « tous ensemble contre quelque chose, un ennemi commun ». Comme un peu c'est le cas dans la situation actuelle avec la pandémie. Donc, tout le monde se met ensemble contre un ennemi commun. Le problème, comme on avait mentionné par rapport à cette unité-là, c'est que lorsque l'ennemi est vaincu ou n'est plus là, bien, à ce moment-là, on retourne à la case départ. Donc, c'est pas vraiment une unité durable. La même chose pour tous ensemble derrière un leader ou une figure charismatique, mais à ce moment-là, lorsqu'on suffit d'éliminer la personne ou le groupe et puis on retourne encore à la même case départ. La même chose pour tout ensemble pour, donc ça c'est l'homogénéité, c'est être tous d'accord, avoir la même position. Donc c'est des modes de cohésion, mais pas suffisamment élevés, donc c'est pas ça qu'il nous faut. Ce qui nous prend, c'est une unité vraiment tous ensemble, point. Donc, faut développer ça, cette expertise-là, développer, comme on a dit, une méthodologie qui va pouvoir être diffusée, utilisée par d'autres collectivités pour éventuellement que toutes les sous-collectivités de la Terre s'unissent grâce à ce savoir-faire-là. Donc, ça va être une unité mondiale, mais au niveau des individus, des citoyens. Donc, personnellement, j'ai choisi l'unité. Toi, tu l'as choisi. Et ce faisant, nous allons pouvoir transcender le rapport de force et établir les règles et pouvoir créer un monde, un mode organisationnel qui va nous permettre d'exercer notre autorité collective, c'est-à-dire que nous allons avoir la maîtrise des mécanismes de prise de décision. Mais quel est ce mode organisationnel-là qui va nous permettre de faire ça? Il reste à être défini au niveau technique, mais je propose... avant d'aller à ce niveau-là, plus dans les détails techniques, de l'envisager avec une image. Je donne une image pour le définir, l'imager dans le fond. C'est j'utilise l'image de l'individu. Donc pourquoi? Parce que puisque l'individu, c'est lui qui est l'autorité, c'est notre vérité de base. Donc dans le plan. Donc, en créant une organisation collective à l'image de l'individu, nécessairement, cette collectivité-là va avoir un mécanisme pour exercer son autorité, pour choisir, décider collectivement. Donc, c'est sur ce principe-là qu'est fondé le logo du projet. Donc, j'utilise l'analogie pour le logo de la goutte d'eau. Et la goutte d'eau représente l'individu, et puis l'eau, ça représente la collectivité. Dans la nature, on retrouve toutes sortes de formes que l'eau peut prendre, la glace, la vapeur, le liquide... Ça peut être aussi des océans, des rivières, des lacs. Donc, l'eau, elle peut être très utile, mais aussi très dévastatrice et puissante. Donc, difficile à contrôler. Donc, on peut dire aussi qu'une goutte d'eau, c'est rien par rapport au vaste océan. Et de la même façon, on peut penser que de même pour soi par rapport à toute l'humanité. Donc, il y a beaucoup de liens à faire entre un individu et une goutte d'eau. Et mais en même temps, sans goutte d'eau, il n'y a pas d'océan. Tout comme on peut dire que sans individu, il n'y a pas de collectivité. Comme on a dit, il y a juste des individus. Donc, l'image utilisée pour notre logo, ce sont des gouttes d'eau. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils s'unissent et puis ils s'organisent dans une forme qu'on ne retrouve pas naturellement. Donc, on pourrait dire que c'est une forme surnaturelle. Donc, cette forme représente notre mode organisationnel collectif après qu'on va avoir réussi, évidemment, à créer l'unité. Et cette forme-là, c'est une goutte d'eau. Donc, ça peut être un peu mélangeant. C'est que ce sont toutes les gouttes d'eau qui vont volontairement s'unissent pour créer une énorme goutte d'eau. Donc, quelque chose qui ne se retrouve pas dans la nature. Les gouttes d'eau ne sont pas soumises aux forces. La goutte d'eau formée ainsi ne sont pas soumises aux forces ambiantes. Ils utilisent leur liberté, leur autorité pour s'unir et elles choisissent de s'organiser de façon à être tous ensemble une grosse goutte d'eau. Donc, cela représente symboliquement notre projet et comment nous, les êtres humains, les citoyens, allons nous unir et nous organiser de façon telle que nous puissions collectivement exercer notre autorité comme un individu le peut. Donc, c'est comme l'expression « comme un seul homme ». Et en fait, ça, c'est du « ça va être », c'est ou « ça va être du jamais vu dans l'histoire de l'humanité ». Et ça va nous permettre de créer le paradis sur Terre. C'est ça l'idée. Donc, reviens tout de suite après la pause musicale. Thank you. de retour. Rien ne va nous sauver, certainement pas la technologie. Même les religieux sont d'accord. Le salut a déjà été fait par Jésus-Christ. Il est accessible, c'est une question de choix individuel maintenant. Et les choix sont effectivement individuels. C'est ça que nous devons d'abord comprendre. Le défi, ce ne sont pas les choix collectifs, mais les choix individuels. C'est l'individu qui doit comprendre, accepter et choisir d'abord l'unité. Ensuite, une fois ça que ça va être fait, ensuite un mode organisationnel, fonctionnel pour l'exercice de l'autorité. C'est moi, vous, chacun de nous, individuellement, qui doit choisir cela. C'est pas compliqué. Oubliez les choses compliquées. Les experts nous rabâchent cette excuse pour avoir pour avoir autorité sur nous, pour nous remplacer, nous placer à une position d'inculte et de soumis. C'est le contraire qui est vrai. Je suis l'autorité et eux, ce sont des subalternes, des engagés, des mandatés. Prenons par exemple la situation actuelle. Qu'est-ce qu'ils nous disent les experts officiels? Ben, restez chez vous. Ben, c'est ça qu'on faisait il y a 100 ans, il y a 200 ans, la quarantaine, parce qu'on savait pas faire mieux. Donc, est-ce que c'est une évolution? Rester chez vous, c'est la meilleure solution qu'ils ont trouvée. Et aussi, ça ressemble beaucoup à la solution des écologistes. Arrêtez de consommer, enterrez-vous, puis faites du compost. Donc, en fait, c'est une idée qui est même pas pour enrayer la pandémie, mais pour éviter la surcharge du système médical qui, de toute façon, est déjà surchargé. Je vous rappelle que nous sommes même pas capables de gérer 23 personnes à l'urgence. Donc, le problème, c'est pas le dévouement ni la compétence des gens qui travaillent dans la sphère médicale. Le problème, c'est que les experts veulent se prendre pour le boss, alors qu'ils ne le sont pas, et qu'ils font passer l'expertise pour autorité. Mais l'autorité, c'est l'individu, c'est qui je suis, donc c'est moi qui décide, c'est le citoyen qui est l'autorité, donc c'est à nous à décider. Et de toute façon, ce que je veux, c'est la santé, et il ne faut surtout pas confondre le médical et la santé, comme on fait des fois. Et le médical, ben c'est une business, ils vendent des produits, des services, des traitements, des médicaments. Les médecins, en fait, c'est des représentants pharmaceutiques. Et je me rappelle, dans une autre vie, j'étais vendeur à domicile, peddler, pourtant pas. Et donc, j'ai vendu toutes sortes de choses, de la viande surgelée, des changements d'huile, du chocolat, évidemment, toutes sortes de choses. Et à un moment donné, j'ai travaillé pour une entreprise qui vendait des produits aux agriculteurs, donc des blocs de sel, des engrais, etc. Et en travaillant, j'ai rencontré un autre gars qui faisait la même chose que moi, qui vendait des produits aux agriculteurs. Et en discutant avec lui, il m'a dit qu'il était agronome. Donc ensuite, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit comment ça se fait qu'un agronome ait fait du porte-en-porte et pour vendre des choses. Mais en force d'en faire, je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi. Pour vendre aux agriculteurs, c'est important, c'est mieux si tu connais un peu la business. Donc moi, je connaissais rien. J'ai beau vouloir vendre des blocs de sel pour les vaches, mais je sais pas à quoi ça sert. Donc c'est bon de connaître un peu l'agriculture, et c'est ce qu'un agronome peut faire, donc pour vendre, comprendre les agriculteurs, pour leur vendre les produits qu'ils ont besoin. Donc, tout ça pour dire que les médecins, en fait, c'est ça, ils étudient le corps humain, et juste assez, et de façon à être capable de vendre les produits, les médicaments, les traitements, etc. Donc, ils sont pas vraiment formés pour la santé. C'est assez simple, vous faites une recherche le moindrement sur l'Internet, vous allez tomber clairement, comprendre que le pilier de la santé, c'est l'alimentation. Mais en fait, il y en a trois qu'on dit, l'alimentation, l'exercice physique, le repos. Mais l'alimentation, c'est le plus important. Et les médecins, ils connaissent à peu près rien. Ils sont pas vraiment formés professionnellement pour ça. Donc, ça fait pas partie de leur formation. Aussi, la diététique, un auteur a dit qu'il comparait la nutrition, la diététique aujourd'hui à la chirurgie du 17e siècle. Donc, c'est à vos risques et périls. Autrement dit, il y a beaucoup d'évolution, de développement dans plusieurs domaines médicaux, mais pas au niveau de la nutrition. Donc, ça montre juste que c'est pas leur spécialité, la santé, c'est le monde médical, faut pas confondre les deux. Et moi, ce que je veux, ce que les gens veulent, c'est la santé, donc c'est à nous à prendre charge. Donc, c'est à nous à nous occuper de tout ça. Et c'est nous qui donnons l'autorité et le pouvoir, dans ce cas-ci, au Collège des médecins. Donc, c'est nous qui sommes responsables de tout. Nous avons besoin des experts, ça c'est certain. On ne se prend pas pour des experts, mais c'est comme dans l'image, le principe que j'avais expliqué, le principe du plombier. Donc, j'ai un problème chez moi de plomberie, l'eau coule. Donc, j'appelle le plombier, le plombier arrive. Donc, c'est qui l'expert, c'est qui le professionnel? C'est le plombier. Et c'est qui le boss? Ben, c'est moi. Donc, c'est comme ça pour la plomberie. C'est la même chose pour tout. C'est important de le comprendre. C'est nous qui sommes les boss et c'est nous qui devons nous organiser pour faire notre job. Donc, on revient pour finir avec un dernier segment qui est une catégorie, la façon une catégorie, un système qu'on utilise pour se faire, donc on se fait manipuler avec ça, donc on revient avec ça après la pause musicale. À tantôt. Désolé pour ça, on est de retour. Donc, on termine l'émission avec un dernier segment qui consiste à ce que j'appelle les catégories fourre-tout. Donc, c'est les catégories fourre-tout qui servent à nous manipuler, car on veut pas y être associé. Alors, on tient tranquille. En fait, sont utilisés comme des épouvantails. Il y en a plusieurs. Homophobe, c'en est une. Évidemment, les complotistes, les adeptes de la théorie du complot, c'est deux qu'on entend, on voit beaucoup dernièrement. Et évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et ce ne sont pas des identités autodéterminées, dans le sens qu'elles démontrent un manque de respect de la part de ceux qui les ont créées. Parce que ce n'est pas les personnes qui se définissent comme qui l'utilisent pour se définir, ça a été créé par ceux qui ne sont pas dans ces catégories-là, évidemment. Par exemple, les théories du complot, c'est peut-être des théories pour les uns, mais ça n'est vraisemblablement pas pour les autres. Donc, en créant cette catégorie-là et en l'affublant aux autres, on leur impose notre point de vue d'une certaine façon. Évidemment, on se justifie en incluant dans la catégorie des cas extrêmes. Et ça, c'est dans n'importe quel catégorie, c'est pas difficile à trouver. On a juste à chercher sur l'Internet et donc on trouve des choses qui n'ont pas d'allure ou extrêmes. Et puis, donc, on met tout ça là-dedans et on se sert de ces cas-là pour se donner bonne conscience et de se réconforter dans notre position. Par exemple, l'homophobie, qui en réalité veut dire peur de l'homosexualité. Et ce que je cherche à avoir peur, c'est pas un crime. Donc, dans cette catégorie-là, il y a, par exemple, un pasteur en 1994 qui a assassiné un homosexuel sur une clôture au Texas. Donc, c'est sûr que là, si on met tout ça là-dedans, et donc on veut pas être, affublé de ce qualificatif-là. Mais si on prend l'exemple de ce pasteur-là, en fait, c'est pas qu'il soit homophobe ou peu importe ce qu'il pense ou qu'il fait, on s'en fout. Premièrement, si on tue quelqu'un, on se fout de qu'est-ce que vous pensez, vous êtes un meurtrier. Donc, on ne faut pas mélanger les choses. C'est pas parce que, peu importe pour quelle raison il a fait ça, un meurtre, c'est un meurtre et c'est inacceptable. Donc, c'est un meurtrier, c'est pas un homophobe. Et on peut pas accepter, on n'est pas capable, le problème, c'est probablement qu'on n'est pas capable de gérer le fait que d'autres puissent avoir une vérité différente de la nôtre. Donc, si je suis dans le vrai et que vous affirmez le contraire, alors vous êtes dans le faux, c'est logique. Si Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas, ça peut pas être les deux. Donc, et ce phénomène-là est exacerbé, à mon avis, car on cherche l'unité. Et intuitivement, on sait que c'est le chemin vers lequel nous devons passer. Mais évidemment, quand il y a une cohésion, ça va bien, quand on s'entend. Mais ce n'est pas l'unité, c'est plutôt l'homogénéité, comme on a dit tantôt. C'est tous ensemble pour, tous ensemble d'accord. Donc, c'est pas, on est tous d'accord, on est tous pareils. On veut tous être d'accord et pareil, mais sauf que ça ne marche pas. Premièrement, c'est pas vraiment possible et ça serait plate. Et surtout, c'est pas nécessaire. Donc, on n'a pas besoin d'être tous d'accord et de tous s'aimer là, pour c'est pas ça l'unité. Sauf exception, bien entendu, il faut faut tout accepter. Donc, inclure tout le monde, y compris ceux qui sont pas d'accord ou ceux avec qui on n'est pas d'accord. Donc, ça veut dire accepter les homosexuels, bien entendu, mais aussi ceux qui croient que l'homosexualité, c'est pas correct. Ceux-là, en ce moment, c'est ceux-là qui sont, dans notre société, en tout cas, qui sont plus exclus. Il ne s'agit pas évidemment d'attaquer ou de blesser, mais de tout simplement ne pas être d'accord avec l'homosexualité. C'est pas un crime en soi. Donc, notre philosophie fondamentale, c'est que a priori, nous ne rejetons rien. Donc, a priori, je ne rejette rien. C'est la philosophie que je considère qui est supérieure à, par exemple, celle qui consiste à tout accepter. Parce que on accepte tout, donc on est en conformité avec le principe de la liberté, mais on se réserve le droit de rejeter le cas échéant. Donc c'est important de se réserver cette liberté-là, parce que en effet, il ne s'agit pas de tout tolérer. On ne doit pas, par exemple, tolérer une pomme pourrie. Et je ne considère pas la tolérance, en fait, comme une vertu. Donc, la philosophie de notre projet, la philosophie fondamentale, c'est de, a priori, on ne rejette rien. Et voilà. Donc, ça termine l'émission pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup si vous avez été là tout le long de l'émission et je vous invite à venir la semaine prochaine. C'est dimanche midi, la même heure, comment créer le paradis sur Terre. Et vous êtes invités aussi, bienvenue à me laisser des commentaires, des suggestions, des critiques, tout ça. Vous pouvez le faire sur le forum de radioimpact.ca. Ou vous pouvez toujours me rejoindre sur ma page Facebook, me laisser un message. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. À la prochaine. Portez-vous bien.